الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول جل في علا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et ici, on avait expliqué le dernier verset coranique que je viens de citer, c'est-à-dire « وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » Du moins, on a commencé à l'expliquer. Et on avait pris la première partie de ce verset coranique quand Luqman exhortait son fils en lui disant « Ô mon fils !» Et on s'était arrêté là pour rappeler l'importance de l'éducation des enfants. Et je m'étais attardé longuement ici sur l'éducation des enfants. Et ici, avant d'entrer dans Ash-Shirku Billahi Azza wa Jal, yani bi-tafsil, bi-hamdillahi Azza wa Jal, on va le faire. Ici, on va citer deux hadiths concernant la responsabilité qu'ont les parents envers les enfants, ou comment doivent réagir les parents envers les enfants aussi. Ici, le premier hadith, ici, que j'avais pas cité la semaine dernière, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, fi sahihain, où le prophète alayhi afdalu salati wa sakat taslim a dit, ittaqullaha wa'adilu bayna awladikum, ittaqullaha wa'adilu bayna awladikum. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous enjoint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte pieuse. Et il nous dit, wa'adilu bayna awladikum. Ça fait partie de l'éducation des enfants. Et c'est ce qui est délaissé souvent, ou alors ce qui est négligé souvent, malheureusement, illa man rahim Allah, chez beaucoup de musulmans, sauf celui à qui Allah azzawajal a fait miséricorde. Le prophète alayhi salam, il nous dit, craignez Allah, et wa'adilu bayna awladikum. C'est-à-dire, soyez équitable entre les enfants. Soyez équitable entre les enfants. Quand tu as plusieurs enfants, ici, il y a un sentiment qui, quelquefois, on ne peut pas contrôler. D'accord? C'est-à-dire le fait de préférer un enfant plus qu'un autre. Ça, c'est des sentiments que on ne peut pas contrôler. D'accord? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient, comme a dit Afis Sahih, les cœurs entre ses deux doigts. Les cœurs sont entre les deux doigts. Bayna usbu'ay min asabi'i ar-Rahman. Ils sont entre les deux doigts, des doigts du miséricordieux. Et le prophète alayhi salam a dit, yuqallibuha, il les tourne, c'est-à-dire al-quloub, comme il veut. Allah Azza wa Jal, il tourne le cœur, il tourne les cœurs comme ici, comme il veut et quand il veut. Donc ici, c'est les sentiments qu'on ne peut pas gérer. Ici, si le père a plus d'attirance envers Mohammed, qui est son fils, plus qu'envers Abdurrahman, qui est son autre enfant, ici, et il a une raison d'être plus attiré vers ici Mohammed que Abdurrahman, c'est-à-dire une raison, yani légale, une raison c'est qui est justifiée islamiquement. Par exemple, Mohammed est plus pieux que Abdurrahman, tout simplement. Quand il dit à Mohammed, fais ceci et fais cela, il l'écoute. Quand il dit à Abdurrahman, fais ceci et fais cela, il lui répond par ouf. Alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, wala taqul lahuma ouf, wa qul lahuma. Ici, Allah dit, ne leur dit pas même ouf. Et dites-leur des paroles, quoi, vulgaires, dures, ou des paroles douces, sages. C'est des paroles convenables, des paroles sages, des paroles douces. D'accord, des paroles convenables qu'on doit dire à nos parents. Donc ici, c'est normal que c'est humain, c'est naturel le fait qu'ils soient plus attirés par Mohammed que Abdurrahman. Walakin, ici, on va pas dire, ah, donc il est inéquitable alors que le prophète alayhi salam قال كما جاء في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. Celui-là, il n'a pas l'adl, il n'a pas l'équité, il n'a pas la justice entre ses enfants, il préfère Mohammed que Abdurrahman. Non. Non, là, c'est une chose qui, yani, est justifiable et qui est naturelle et qui ne peut pas gérer. Voilà ce qui lui est demandé, c'est de ne pas montrer clairement et ouvertement, d'accord, à Abdurrahman qui préfère beaucoup plus Mohammed que lui. Et d'une façon non légiférée, par exemple, quand il offre un cadeau hadiya à Mohammed, il doit offrir un cadeau à Abdurrahman, d'accord, même s'il préfère plus Mohammed. Quand il offre, il donne 10 euros à Mohammed, il doit donner 10 euros à Abdurrahman. Attention, quand ceci est demandé, c'est-à-dire... Si Abdurrahman, on va dire, ou un autre Abdurrahman, vous choisissez un autre prénom si vous voulez. Par exemple, Karim, un de ses enfants, il a 2 ans. Et il a Abdullah qui a 15 ans. Est-ce que s'il donne 10 euros à Abdullah, est-ce qu'il doit donner 10 euros aussi à Karim qui a 2 ans? Donc on va pas dire non, il n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il va comprendre, lui, le petit de 2 ans, ici, si tu lui donnes 2 euros ou tu lui donnes pas? Ça, ce n'est pas une inéquité. D'accord? Ce qui est, quand on parle de Al-Adl, l'équité et la justice entre les enfants, c'est pour pas qu'il y ait de préjudice, de haine, de jalousie, al-hasad, d'accord? Entre al-awlad, bayn al-awlad, entre les enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il dit, alhamdoulilah, mon père, mes parents, ils agissent avec équité et justice. Quand ils donnent un cadeau à un, il donne une hadiya, un cadeau à l'autre, alhamdulillah. Ça va pas mettre de la haine, de l'inéquité, de l'injustice, ou alors de la haine, ou de la jalousie, etc., entre eux. Et ça, si on le met en application, alhamdulillah, ça renforce les liens, yani de famille, fraternelle, etc. Ils grandissent avec cet amour envers son frère. Walakin ba'd an-nas, ils disent, je comprends pas, mes enfants, c'est des ennemis entre eux. Walakin, peut-être c'est les parents qui les ont éduqués comme ça. En favorisant plus un enfant qu'un autre. وهذا يعني النوع من الظلم. Ça, c'est un type de ظلم, d'injustice, والعياذ بالله. Tu enlèves un haq. On avait dit ça, الظلم, l'injustice, c'est de priver ton frère d'un haq, d'un droit qu'il a, ou de lui voler, ou de lui prendre son haq. Ça, c'est الظلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام, إن الظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. Ici, l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Donc ici, tu dois être équitable envers tes enfants pour que l'enfant grandisse avec cet amour envers son frère. Et il n'est pas cette jalousie envers son frère. Parce que déjà, comme il dit Hassan al-Basri, Ibn al-Jawzi et d'autres, ici tout le monde a un peu de jalousie en lui. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Tout être humain sur la surface de la terre, quelque part, il a quelquefois un peu de hasad en lui. Ça, c'est quelque chose de naturel. Walakin, ce qui est demandé, c'est quoi? C'est de ne pas exprimer cette jalousie avec une chose qui est détestée par Allah Azza wa Jal, avec sa langue, avec ses membres, etc., en le critiquant, en rentrant dans le riba, dans le namima, en voulant lui faire mal. Non, laisse mourir cette jalousie en toi, et fais des invocations en lui disant, Ya Rab, ici comme tu as donné هذا الرزق مثلا à ce frère, Allahumma a'tini هذا الرزق أيضا, moi donne-moi aussi ce risque aussi. D'accord? Donc ceci sera plus profitable que de le jalouser, de vouloir que ce bienfait qui lui est en sa possession disparaisse. Et c'est ça le hasad. Ta'rif ou le hasad, c'est ça. C'est-à-dire de vouloir que le bien qui est avec ton frère, al-ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla a donné à ton frère, ici, elle disparaisse. Elle part. Et ça, c'est le hasad, wal'iyadu billah. Donc nous disons ici, il ne faut pas réveiller cette jalousie chez les enfants dès le plus jeune âge. Et montre-toi équitable entre les enfants. D'accord? Bien sûr, ici, ça ne veut pas dire que ici, si par exemple tu as l'habitude d'offrir beaucoup de cadeaux à tes enfants, mais une fois tu as ramené un cadeau parce que tu as trouvé une opportunité, une occasion, un cadeau pour un garçon, une voiture, je parle à l'excès, mais pour vous donner un exemple, une petite voiture, et ici c'était vraiment une occasion, tu l'as pris à ton fils, tu n'as pas pris à ta fille, et tu as l'habitude de donner des cadeaux à ta fille, tu dis bon, la prochaine fois Inch'Allah c'est à ton tour. Il n'y a pas d'injustice, parce que tu lui as dit khlas la prochaine fois, et on n'est pas là pour dire vraiment rentrer dans les détails. Tu as acheté un cadeau à 17,50 € à ton fils, tu dois acheter un cadeau à 17,50 € à ta fille. Non. D'accord? Ça, c'est simplement de façon générale. Faut être équitable. Comme tu te comportes bien avec le garçon, tu dois te comporter bien avec la fille. Comme tu joues avec le garçon, tu dois jouer avec la fille. Comme tu, il y a un effet plaisir à la fille, tu dois faire plaisir au garçon, ou alors aux deux garçons, ou bien aux deux filles, ou à hakada. Naam. Et tout le monde sait, ici, quand il est tombé dans une injustice, ou quand il reste équitable envers ses enfants, c'est quelque chose de clair. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande science pour voir quand il y a une injustice ou une inéquité. Donc quand tu as 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants, 7 enfants, 8 enfants, essaye d'être au plus équitable ou au mieux, d'accord? Yani, le plus équitable possible entre eux. Et n'oublie pas que le prophète Ali qal, fi bidayatil hadith, kama rawahu fil Bukhari wa Muslim, ittaqullah. Ah, il dit, craignez Allah. Thumma qal, وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. Ah, il ouvre la porte, d'accord, il rappelle. اِتَّقُوا لَا يَعْنِي اِنْتَبِهِ. Ah, concentre-toi, fais attention, crains Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la recommandation pour les prophètes et pour les premiers et les derniers. D'accord? Donc ça, c'est une recommandation que le prophète a reçue. Une recommandation donnée par Allah Azza wa Jal, donnée par le prophète aux compagnons, aux meilleurs des créatures, donnée par Allah Azza wa Jal aux femmes du prophète. Et là, le prophète, il dit, اِتَّقُوا لَا. Ah. Fais attention. Quand t'entends ittaqillah, ah, mets-toi sur tes gardes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait? Non, ne dis pas. Pourquoi tu me dis ittaqillah? Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad. Non, sois pas parmi les mutakabbirin wal 'iyad billah. Quand on te dit ittaqillah, ne sois pas parmi ceux que Allah Azza wa Jalla dit, et quand on leur dit ittaqillah, cra Allah Azza wa Jalla akhadhathu al-izzatu bil ithm, ici l'orgueil s'empare de lui, fa hasbuhu jahannam wal 'iyad billah. Ici, nous on dit Allahumma ij'alni min al-muttaqin, mais on dit, intabih ya Abdallah, ittaqillah, ça y est. Mets-toi sur tes gardes, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le prophète, il dit, wa'dilu bayna awladikum. Ah, il dit, ça, c'est une forme de crainte d'Allah, Azza wa Jal. Il rappelle, ittaqullah, craignez Allah, sois équitable envers vos enfants. Pour te rappeler que si tu es équitable envers tes enfants, ça, c'est une preuve de la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Ça fait partie de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, wa'dilu bayna awladikum. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un autre hadith, il parle de la responsabilité qu'ont les parents, d'accord? Les parents et à leur tête, d'accord? Je dis plus particulièrement les pères, d'accord? Les parents, on dit le père et la mère, d'accord? Al-ab wal-um. Walakin naqul khususan al-ab ici. Vous allez voir pourquoi. Al-hadith rawahu. Ici, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rapporté par Abu Daoud. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit aucun péché. Aucun péché. Il parle de al-dhanb, de al-ma'asiyah, de la désobéissance, du péché. Il n'y a aucune désobéissance. Aucun péché, écoute bien. Aucun péché n'est plus grave pour un homme, n'est plus grave pour un homme que d'abandonner. Ah, il délaisse. Que d'abandonner celui qu'il doit prendre en charge. Que d'abandonner celui qu'il doit prendre en charge. Donc là, on revient vers al-shar'a, vers la législation. Quand toi, tu as une responsabilité par rapport à ceux qui sont sous ta charge, si tu les abandonnes, le prophète alayhi salam, il dit, il n'y a pas un péché plus grave que cela. Et là, c'est un hadith qui est ici quantitatif ou qualitatif? Qualitatif. D'accord, c'est pas quantitatif. Ça veut pas dire que c'est que ce péché qui fait partie des plus grands. Non, ça c'est qualitatif pour montrer l'importance de ce hadith, de ce péché-là. Voilà qu'ici, le prophète il dit, aucun péché n'est plus grave pour un homme que d'abandonner celui qu'il doit prendre en charge. Donc ça c'est une responsabilité. Et donc ici, le père, c'est lui le responsable de la famille. C'est-à-dire au niveau financier, c'est lui qui doit les nourrir, c'est lui qui doit les habiller, même si la femme est riche, même si la femme est riche, mais ijma'il ulama, c'est qui doit assumer, d'accord, le fait de nourrir la femme, de loger la femme et d'habiller la femme, c'est al-ab, c'est le père. D'accord? Et ne pas faire comme certains ignorants, wa al-'iyadhu billah, qui disent, c'est quand on n'a pas que un ou deux ou trente échos, plusieurs échos, des centaines d'échos on a, là, au fil des années on en a eu. Ici, des gens qui s'est adé pour eux, wa al-'iyadhu billah, des hommes qui disent, non, moi, ma femme, elle a une entrée d'argent, moi, j'ai mon entrée d'argent, non, je veux qu'on divise tout, les factures d'électricité, les factures, c'est quoi ça? D'où ça sort? La femme, ici, c'est son haq de ne dépenser rien du tout pour la maison. C'est son droit. Si ensuite elle le fait et elle dépense, c'est mieux. On va dire c'est mieux, bien sûr. Si elle participe, si elle a de l'argent qui lui appartient, elle, c'est mieux, masha'Allah. Il ne doit pas avoir ce al-bukhl wal-'iyadhu billah, ou bien al-shuh, qui est encore plus grave que le bukhl wal-'iyadhu billah. Wal-ladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Je l'ai dit que quand il dépense, d'accord? Il parle de qui? Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Donc ils sont ni prodigues ni avares. Ni prodigues ni avares. Mais entre les deux, il y a un juste milieu à adopter. Da'am. Et ici, il y a des gens, malheureusement, qui sont des pères de famille, c'est des avares. Et même pour dépenser quelque chose où il suffit que la femme va dire oui, est-ce que tu peux m'acheter ça? C'est pas des choses coûteuses ou des choses même concernant de la nourriture et autres. Oh non, toujours, la chose elle vaut 2 euros ou 3 euros, wal'iyadhu billah, alors qu'il a les capacités. Mais pour se faire plaisir, lui, il aime se faire plaisir. Donc ici, il y a un juste milieu, ici, à adopter, ayyuhal ahibba. Si la femme, elle réclame des choses qui sont au-dessus des capacités de l'homme, achète-moi des vêtements à 400 euros ou à 500 euros ou achète-moi des choses qui sont extrêmement chères, des grandes... C'est une chose, ça d'accord, on n'en parle pas. Ça rentre dans quoi? Al-israf wa al-tabdhir. Wa qala rabbul alamin wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin. Et ne gaspille pas, ici le gaspillage est interdit, car les gaspilleurs sont les frères du diable. D'accord? Kulu wa shrabu wa la... Voilà tout ce faux. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Buvez et mangez. Ah, la boisson et la nourriture, c'est halal. Et ne commettez pas d'excès. Allah n'aime pas ceux qui commettent de l'excès. C'est pour ça, par les ulama, ils ont dit al-israf. Ma huwa al-farq bayna al-israf wa al-tabdhir. C'est que l'israf, al-asl, c'est quoi? C'est une chose permise, halal. C'est pour ça, wa lidhalika qala subhanahu wa ta'ala, kulu wa shrabu wa la tusrifu. Et wal-akl wa sharab, c'est quelque chose de halal. Donc par exemple, quand quelqu'un, il prend des choses halal, il achète des choses licites, mais il rentre dans l'excès, d'accord? C'est un gaspillage, mais ça s'appelle al-israf. Mais quand quelqu'un, il va gaspiller de l'argent dans quelque chose qui est al-asli, il est haram, comme par exemple al-mukhaddirat, les drogues, ou bien al-khamr, ou bien ici des cigarettes, là ça s'appelle al-tabdhir. Et ici, al-tabdhir, ici le prophète Allah Azza wa Jalla dit, c'est les frères des diables. Et ici, al-israf, il dit, Allah n'aime pas. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès, wal'iyadhu billah. Si c'est de l'excès, on n'en parle pas. Mais c'est pour des choses mondaines, ou alors que toi, tu te fais plus plaisir qu'à ta femme, etc. Non. Et donc nous disons, non, ittaqillah. Ou bien des gens qui vont jusqu'à même priver leur femme de leurs droits. Non, ils s'occupent même pas de la nourriture, même pas de l'habillement, même pas du loyer, et ici du logement. Nous disons, ça c'est un vol, mais c'est un haq pour la femme, un droit, si il ne se réforme pas, de demander la séparation. Elle est dans son droit en islam. D'accord? Elle est dans son droit. Parce que le prophète Al-Sam, comme a dit Afis Sahih, quand il parle de l'huquq al-mar'a, les droits de la femme, quand ils ont dit c'est quoi les droits de la femme? Le prophète dans un hadith authentique, il a dit quoi? C'est de l'habiller quand tu t'habilles, de la nourrir quand tu te nourris et de la loger. Ah, ça c'est les principaux droits. C'est pas que ces droits qu'elle a. Mais ça c'est les principaux droits. Ça c'est la base. Si déjà la base tu ne lui donnes pas, wal'iyadu billah, que dire du reste? Alors que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani, il dit quoi? Il dit, aucun péché n'est plus grave pour un homme que d'abandonner celui qui doit prendre en charge. Donc nous disons, les hommes doivent bien sûr assumer ceux qui sont sous leur charge et dire je suis un homme, ce n'est pas qu'une parole, mais il faut l'assumer aussi. D'accord? Et c'est pas que quand ça nous arrange. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. ونواصل إن شاء الله تعالى مع الآية وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. D'accord, il a exhorté son fils, il lui dit يا بني, des paroles douces. Oh mon fils, ici ne donne aucun associé à Allah عز وجل. Il a commencé قد بدأ لقمان الحكيم مع أو بي بالشرك. Avec quoi? Avec l'association. Pourquoi? Parce qu'on a dit que الشرك أظلم الظلم, c'est la plus grande des injustices, والعياذ بالله. Ou bien on peut dire aussi يعني, min akbar al-dhulm, ou même plus que ça, akbar al-dhulm, c'est la plus grande des injustices. Et ici, si nous devons parler de shirk, c'est que personne n'est à l'abri de shirk. Wa shirkun naw'an kama ta'lamun, shirkun asghar wa shirkun akbar. Et vous savez, il y a deux types de shirk, d'association. Il y a la petite association et il y a la grande association. D'accord? Il y a la grande association. On va parler bit tafsil, inshallah ta'ala, dans ces deux types de shirk. Comment ne pas avoir peur de shirk? Et comment dire qu'on est à l'abri de shirk? Alors que, ici, al-anbiya, wal-rusul, ils ont cherché protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre shirk. Subhanallah. Et ici, on a l'exemple de Ibrahim, alayhi salam, quand il a dit, wajnubni wa baniya an-na'bud al-asnam. Il dit quoi? Et préserve-moi. Ça, c'est Ibrahim. Ah, Ibrahim, à lui-même, il était une communauté Ibrahim, alayhi salam. Ici, il dit quoi? Et préserve-moi, wajnubni. Ah, d'accord? Wajnubni, wabaniya. Moi, ainsi que qui? Ainsi que mes enfants, d'adorer les statues. Dua. Il a fait dua. Ya Rab! Il a demandé à Allah, préserve-moi, moi, Ibrahim, alayhi salam, de shirk. Moi et mes enfants. Du fait d'adorer les statues. Est-ce qu'il a dit, moi, Ibrahim? Moi, je fais partie des prophètes et des envoyés. Moi, je viens pour appeler pour les gens à tawhid. Moi, je vais... Non! La modestie à tawadu'a. Al-insan, il n'est pas à l'abri ici de l'égarement et de glisser. Et il doit agir avec modestie envers son Seigneur. Et le fait d'agir en modestie envers son Seigneur, c'est le fait de faire aussi ad-du'a, de demander à Allah Azza wa Jal, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ans, de te rabaisser à travers les invocations, et لذلك قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. Pour ça le prophète il dit الدعاء, l'invocation c'est l'adoration même, et beaucoup de gens ont délaissé الدعاء alors que ça c'est la meilleure des causes qu'on a pour se voir ou pour voir ses problèmes se dissiper. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Allah Azza wa Jalla, il veut que tu lui demandes directement. Donc avant de passer par des intermédiaires ou demander de l'aide à droite, demande à Allah. Allah Azza wa Jalla tient les cœurs entre ses deux doigts. Et s'il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun, sois et c'est tout de suite. Pourquoi tu vas chercher par des intermédiaires? Quand tu veux appeler Mohammed, est-ce que tu vas appeler Ibrahim et Karim et Abdurrahman pour ici de passer le message à Mohammed? Ou tu vas appeler directement Mohammed? Tu vas appeler directement Mohammed. Si tu as son numéro de téléphone, naam, tu peux le contacter directement, oui ou non? Oui. Donc là, pourquoi tu vas demander de l'aide aux gens alors que, je vais pas dire tu as le numéro de téléphone pour contacter Allah, mais walakin, tu as les solutions pour contacter directement ton Seigneur, c'est quoi? Ad-du'a. Tu lèves tes mains. Ou alors tu fais as-salah et tu fais as-sujud, comme a dit Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le moment où l'être humain, l'insan, le serviteur d'Allah azza wa jal, le plus proche d'Allah azza wa jal, ou le serviteur d'Allah le plus proche d'Allah azza wa jal, c'est quand il est fis-sujud, il est dans la prosternation. Akthiru ad-du'a, comme a dit Al-Hussein fi Sahih Muslim. Il a dit augmenter les du'a quand tu es dans la prosternation. Ici, parle directement à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ya Abdallah et tu verras que bi hawlillah azza wa jal, le résultat ici il te satisfera insha Allah ta'ala. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Wal hadith rawahu Ahmad, est rapporté par d'autres aussi, authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri والفقر ومن عذاب القبر. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il cherchait protection auprès d'Allah, il disait ça. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr. Ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre la mécréance. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Contre la pauvreté. Ah, la pauvreté c'est un ennemi. Attention. Faut pas négliger la pauvreté c'est un ennemi. Si tu vois que tu deviens pauvre, mais vraiment pauvre, c'est une lourde épreuve. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa min adhab al-qabr. Regardez les invocations du prophète A.S. lourdes. Lourdes, lourdes, lourdes. Très lourdes en sens, en profit, en bénéfice. Et regardez, courtes. Il cherchait protection auprès d'Allah Azzawajal contre la mécréance, contre ici la pauvreté, et contre ici le châtiment de la tombe. Il y a les trois choses. Et c'est ce qu'on doit dire aussi. Et le prophète alayhi salatu wasallam, il disait aussi dans un hadith rapporté par Ahmed, بسندٍ صحيح اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. Et ça c'est un des remèdes, comme il a dit le prophète عليه السلام dans le hadith rapporté par Ahmed ici, que celui qui sent ou qui a peur de shirk ou bien de riya, l'ostentation, qu'il dise cette invocation. Comme قال عليه الصلاة والسلام. Quand par exemple quelqu'un il te fait des éloges, d'accord, الثناء, d'accord, il te fait trop des éloges, وراك ما شاء الله وراك كذا وكذا etc. Ah, tu as peur de riya, de te montrer l'ostentation. Donc dis cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika, sur le fait de quoi? De t'associer ici ou d'associer avec toi quoi que ce soit alors que j'en ai connaissance. Et je te demande pardon pour ceux dont j'en ai aucune connaissance. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Et je demande pardon pour ceux dont j'en ai aucune connaissance. Regardez, subhanallah. Ici donc, quand tu sens un peu de riya en toi, d'ostentation, ou que les gens te glorifient trop ou autre, dis cette invocation. D'accord? Et tu la prends, elle est dans Hisnul Muslim ici. Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Tu peux la retrouver, Inch'Allah Ta'ala. Clair? Et il y a d'autres invocations. Voilà qui ne cesse parmi les invocations qui sont relatées dans des hadiths authentiques. Concernant Ash-Shirk Billahi Azza wa Jal, on a dit que Ash-Shirk, il y avait deux types de shirk. La petite et la grande association. Là, on va parler plus précisément de la grande association. Déjà, awwalan al-asl, la base. Quand est venue la grande association? D'accord? Ça, je pense que la majeure partie d'entre vous le savent, comme l'a rapporté Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu an abi. Il disait ici que entre Nuh, alayhi salam, et Adam, il y a eu 10 générations. D'accord? 10 siècles. Ils étaient tous sur la sharia, sur la loi de la vérité, sur At-Tawhid. Ah, entre Adam, d'accord, et Nuh. D'accord, entre Adam et Nuh, il y a eu des gens. Ils sont où ces gens? Ils adoraient qui ces gens? Kanu ala At-Tawhid, bayna Adam wa Nuh. D'accord, 10 siècles. Ils étaient ici sur At-Tawhid. D'accord? Et la preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, kana an-nas ummatan wahida, fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashshirin wa mundhirin. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, dans sourate al-Baqara, l'humanité ou les gens étaient une seule communauté, une umma. Allah dit dans le Coran, ici ils étaient une umma. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et apportant de bonnes nouvelles et des avertissements. D'accord? Quand il a apporté ces prophètes, ici apportant des bonnes nouvelles et des avertissements, quand, à quel moment? Ah, les premiers. Ici, le premier, Nuh alayhi salam, il est venu pourquoi? Pour leur rappeler At-Tawhid. Quand? Quand ça y est, khalas, Ash-Shirk a commencé à venir. Mais entre Adam et Nuh, ils étaient sur At-Tawhid. Combien de temps? 10 siècles. On est d'accord. Ici, Allah Azza wa Jal, il a envoyé Nuh alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'avant, il y avait des pieux. Mais le problème, c'est que Shaitan, il est rusé. Et ici, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Shaitan, il ne va pas te dire fais zina, يعني اترك الصلاة, délaisse la prière, bois de l'alcool. Non, étape par étape. D'accord? Shaitan, il va faire étape par étape. Et Shaitan, avec une traduction approximative, il est en nous comme le sang coule dans nos veines. C'est-à-dire, il nous connaît très bien. Shaitan, il te connaît, il connaît tes points faibles, il connaît tes, yani, il connaît ton investissement dans la religion, etc. Donc, il sait, il réfléchit par quelle porte je vais rentrer. Et quelquefois, Shaitan, il rentre par la porte du bien. Yarhamukallah. Quelquefois, Shaitan, d'accord, yadkhul min bab il khayr, par la porte du bien. Voilà qu'il te fait pousser dans l'excès. Et ici, qu'est-ce qu'il leur a dit, Shaitan? Ah, min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Ah, al-wasawis, les mauvaises suggestions, d'accord, les insinuations sataniques. Il leur a dit, chauffe, hadou qui sont morts, matou khlas, walakin ils faisaient partie de salihin, des gens vertueux. C'est vrai, c'était une réalité, d'accord. Comme des gens maintenant, tu le vois, ils font tawaf, d'accord, ou ya'boudoun al-qubur wal-iyadu billah, ils adorent les tombes, et ils disent, walakin hada wali fulan, c'était un pieux, c'était un saint, rubbama, peut-être, walakin ya Abdallah, qui est le plus pieux des pieux? Muhammad alayhi salatu wassalam. Bah pourquoi on va pas faire tawaf dans la tour du prophète, la tombe du prophète? Pourquoi on va pas dire ya Rasoul Allah, isalillah azza wa jal an yarzuqani kada wa kada, demande à Allah de me donner ça ou de... Non, le prophète il a dit non. Donc pourquoi tu vas demander autre que le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète c'est interdit, les autres c'est interdit. On dit pas c'était des criminels ou c'est peut-être c'était rubbama c'était des awliya, ils faisaient partie des gens pieux. Wala nuzaki ala Allah ya ahada. D'accord? Walakin nous disons nous devons adorer qu'Allah wa idha sa'alta fas'alillah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Quand tu demandes, tu demandes qui? À Allah. On est d'accord. Comme قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et quand tu cherches secours auprès d'Allah. On est d'accord. On est d'accord. Si moi je vais demander à mon frère, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Est-ce que j'ai droit de lui répondre? يَا أَخِي اتَّقِ اللَّهِ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Est-ce que je peux lui dire ça ou pas? Ah, il m'a dit, Allah, le prophète, il a dit, quand tu demandes, demande qu'à Allah. Quand tu cherches secours auprès d'Allah, Azza wa Jal. Non seulement, mon frère, tu viens me demander, mais en plus, tu viens me demander pour que je t'apporte mon secours, alors que le prophète, il a dit, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Donc, c'est quoi la réponse? عجيب انتم ما خرجتوا من نعم tu demandes direct à Allah. يا الله aide-moi à pousser ma voiture. الاخ ولكن واذا سالت فاسال الله. لماذا تسال الاخ؟ c'est des choses. بارك الله فيك. واضح, c'est clair. Toute chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala et que seul Allah azza wa jal peut te donner et peut t'apporter, tu n'as pas le droit de demander à autre qu'Allah azza wa jal. On est clair? D'accord? Tu es par exemple dans un bateau, safina. Il y a un naufrage où tu es tout seul dans un titre d'exemple. Hein. Tu es dans un bateau, il y a une tempête et autres. Ça y est, tout, tu vas couler, tu es tout seul dans le bateau, personne peut t'aider dans le bahar. Ici, est-ce que tu as le droit de dire ya akhi? Est-ce que lui, si tu pouvais lui recommander, tu l'aurais dit idha sa'alta fas'alillah? Oui ou non? Naam. Walakin si lui, il dit ya wali fulan ansurni. Oh, un tel wali foulet, secours-moi. Elle waqa fi shirk. Ah, là il est tombé dans la situation. Walakin s'il est dans le bateau, et il dit al-akh, aide-moi, donne-moi la corde là-bas et tout. Est-ce qu'il est tombé dans le shirk? Non, il peut lui donner la corde, on est d'accord. Quand c'est des choses que seul Allah peut te donner, et tu es dans une situation où seul Allah peut te secourir, tu n'as pas le droit de demander à autre qu'Allah. Amma dans les choses qui sont accessibles, même pour les insan, même pour les al-ikhwa, pour les frères, pour les êtres humains, ceux qui sont autour de toi, il n'y a pas de mal. Voilà qu'il n'en revient que, ici, ça dépend, c'est du cas par cas. Faut toujours quand même invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il te facilite les affaires. Mais pas pour des détails. Donne-moi le verre d'eau s'il te plaît. Attends, smihliya. Ya Allah, facilite-moi qui me donne le verre d'eau. Il y a un excès. Voilà qu'il y a quelqu'un, tu veux, t'es dans le besoin, et tu sais que t'as un manque d'argent, et que tu peux vraiment pas, t'es endetté, t'as vraiment pas le choix, et si tu rembourses pas ta dette, et tu peux avoir un gros préjudice. Donc, est-ce que les gens peuvent t'aider? Ils peuvent t'aider. Donc, ici, t'as le droit de leur demander. Mais avant ça, nous te disons, irfa yadak. Donc, lève tes mains, et demande, ya Rab, facilite-moi. Allahumma la sahla illa maj'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Tu fais l'invocation qui facilite les choses, et ensuite, khudh bil asbab. Utilise les causes et va demander au frère, il n'y a pas de mal. On est d'accord. Donc ça, c'est du cas par cas. Voilà qu'une des choses dont les gens peuvent apporter secours, ou alors quand les gens peuvent apporter secours ou t'aider, il n'y a pas de mal de demander aux gens. D'accord. On revient à shirk. Ah, à shirk. Donc ici, je vous ai donné un type de shirk. Donc il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on lit un hadith, oh, donc comme certains, c'est devenu une mode maintenant, malheureusement, chez beaucoup. Illa man rahim Allah. Donc ils lisent un hadith, ils se contentent d'un hadith. Je vous donne un petit exemple. Pourtant, c'est clair là. Donc on ne peut pas dire, ouais, j'ai lu un hadith, là, c'est du shirk, sinon tu vas faire tomber tout le monde dans le coffre ou dans je sais pas quoi. Donc ici, il faut faire attention. Ici, on revient dans le shirk. Ici, comment ça s'est passé? Entre Adam et Noé, il y avait, comme il a dit Ibn Abbas, il a rapporté 10 siècles. Ensuite, il y a des pieux, des vertueux qui sont morts. Shaitan, il est rentré. Ah, il est rentré par la porte du bien. Il a dit, c'était des gens pieux. C'est vrai ou pas? Na'am. C'était des gens vertueux. Masha'Allah. C'était des gens de bien. Voilà qu'ici, vous allez les oublier. Donc, ce qu'il faut faire, Inch'Allah ta'ala, faites pour pas les oublier, des représentations. Représenter ces personnes par des images, par des statues, etc. Pour pas les oublier. Juste pour pas les oublier. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est vrai. Au moins, par respect et tout envers eux, on va faire ça. Ah. Il est rentré par la porte de quoi? Par la porte du bien et par la porte de quoi? Ce qu'on appelle aussi la représentation. Pour ça, c'est attention aussi. Il faut faire attention à toutes les représentations. Surtout ceux qui, utilisent des représentations en leur donnant trop d'importance sur les iyadu billah. Ici, il leur a dit, ils ont fait des représentations, etc., des statues, juste pour eux, mais ils les adoraient pas. Juste comme ça pour s'en rappeler. Ah, ils passaient, Foulen. Ah, il faisait du'a, masha'Allah. Il était bien, Allahi berk. Eux, ils sont morts. Ah, ils sont morts. Shaitan, il voit loin. D'accord? Shaitan. Et Allah Azzawajal, il parle de shayatin, al-ins ou al-jin. Attention. Parce que les shayatin, al-ins aussi, ils voient très loin aussi. Ah, parce qu'il y a des shayatin parmi les êtres humains. Et les shayatin parmi les êtres humains, vous allez voir qu'ils voient très loin aussi, wa l'ayyadu billah, quelquefois. C'est les gens très vicieux. Shaitan, il a dit, on va attendre. Patience. C'est, mon plan, il est mis en route. Ils ont mis les statues. Mais ils les adorent pas, c'est pas grave. Après. Les générations après sont venues, ils ont vu les statues. Je dis, c'est qui ceux-là? Ils ont dit, c'était des pieux, des vertueux. Donc, on peut se rapprocher comme eux, ils étaient vraiment proches d'Allah Azza wa Jal. Donc, on peut se rapprocher d'Allah par eux. Donc, ici, on va commencer à dire quoi? On va commencer à les invoquer et leur demander de nous faciliter telle et telle adoration. Mais l'adoration, c'est pour Allah. Walakin, de nous faciliter telle et telle adoration. De demander à Allah de nous donner telle et telle chose. De les prendre comme intermédiaires. D'accord? On va leur demander à Allah de nous donner. Et ils ont commencé, ils passaient devant Al-Asnam. Et ça c'était peut-être une statue qui s'appelait je sais pas comment, etc. C'était des gens qui pieux, mashallah. Et ici ils ont commencé à demander à Allah, khalas, ils sont tombés dans quoi? Ash-shirku billahi azza wa jal. Wa idha sa'alta, fas'alillah. Wa idha sta'anta, fasta'in billah. Il n'a pas le droit, cette statue, est-ce que ça va lui faire quelque chose? Même s'il croit en Allah, il dit je crois. Amantu billah. Walakin, je prends des intermédiaires entre moi et Allah. Comme fait le jahiliya, dans le paganisme. Quand Allah Azza wa Jalla dit, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils te disent, Allah. Walakin, ils ont délaissé at-tawhid, al-uluhiyya. Al-rububiyya, ils avaient dit, c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui donne, c'est Allah. Walakin al-uluhiyya, non. Allah Azza wa Jalla, il existe, il y a Allah, walakin, il y a des autres dieux. Il y a des autres dieux avec lui qu'on adore, dieu du soleil, dieu de la tempête, dieu du etc. Et comme au jour d'aujourd'hui, regardez, à l'époque de l'Jahiliya, on retrouve des gens maintenant dans notre communauté, c'est vrai ou pas? Il va prier. Tu vas le voir prier avec khushu', il va à l'al-hajj, ça existe. Mais à côté, il va faire la même chose que l'Jahiliya. Ah, on a dit avant l'islam, tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils te disaient Allah, il croyait en Allah. Mais il donnait des associés à Allah. Comme maintenant à notre époque. Il va prier, il va abed rabbil alamin, alhamdulillah. Walakin, à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Wali ou Fulan, ou il va voir celui-là qui est dans ce qabr, ou il va voir celui-là qui est enterré, ou alors il va faire tawaf là, il va demander, il va prendre des intermédiaires. C'est du shirk comme à l'époque de l'Jahiliya. Pourtant, nous, on a eu le Coran al-Karim, on a la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, on a, et il est tombé dans ce qu'on appelle shirkun akbar wal-iyadu billah. La grande association. واضح شرك اكبر c'est quoi la grande association بالتفصيل d'accord c'est اتخاذ الند للرحمن c'est le fait ici avec une traduction approximative c'est le fait d'adorer un autre avec Allah azza wa jal d'accord un associé donner un associé à Allah azza wa jal adorer une statue ou quiconque un autre avec Allah azza wa jal t'adores Allah n'am ولكن t'adores un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. En l'invoquant. Ah, khlas, t'adores Allah, mais il y a une personne qui est enterrée, tu l'invoques. C'est du shirk. C'est de la grande association. D'accord? C'est le fait d'adorer un autre avec Allah, en l'invoquant. Ou en lui faisant, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika, wanhar. Qul inna salati wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ou alors en lui faisant des sacrifices. Alors que les sacrifices, c'est pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est d'adorer un autre avec Allah Azza wa Jal, soit en invoquant, bit du'a, avec un du'a. Donc tu es tombé dans un shirk par le biais de quoi? Ad-du'a. Tu as associé Allah Azza wa Jal dans ta du'a. Tu invoques Allah, mais tu invoques Fulan aussi. On est d'accord? Ou bien en faisant des sacrifices pour lui. Tu lui fais des sacrifices. D'accord? Al-dhabh li ghayri Allah Azza wa Jal wal 'iyadhu billah. Tu vas égorger. Tu vas pas dire bismillah. Non. Bismi Fulan. Oh, bismi al-jin Fulan. Pour un djinn qui s'appelle comme ça, ou un sihar, ou bien je ne sais qui encore, d'accord? Ou bien en sacrifiant, ou en ayant une totale confiance en lui. Ici, quand tu places ta confiance, tu dois placer ta confiance en qui? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَفِي آيَةٍ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ C'est en Allah Azza wa Jal que place leur confiance qui? C'est les croyants, c'est pas n'importe qui, les croyants. Tu dis pas à une personne, j'ai confiance en toi, donc je te confie ça. Ah badan, ta totale confiance, elle est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ou en ayant une totale confiance en lui. Qu'il s'agisse d'un prophète, ou bien d'un allié, ou bien d'un ange, ou bien d'un djinn, ou bien d'un tombeau, ou bien, continue si tu veux. Clair? Donc c'est ça, al-shirk. Ici, la grande association, wal-iyadu billah. Donc invoquer autre qu'Allah azza wa jal, shirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Clair? الذبح لغير الله عز وجل شرك بالله عز وجل بل نقول شرك أكبر c'est de la grande association demander à autre qu'Allah عز وجل une chose que seul Allah peut apporter شرك بالله عز وجل d'accord شرك أكبر d'accord ici le fait de chercher protection ou alors de demander secours à autre qu'Allah عز وجل alors qu'il n'y a que Allah qui peut apporter secours c'est de la grande association الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de qui qu'on cherche secours que auprès d'Allah Azza wa Jal pas personne d'autre on a compris clair الشرك d'accord ici il y a deux types de shirk ici il y a la grande et la petite association شرك أكبر ينقسم إلى قسمين الظاهر ici والخفي il y a deux types de grandes associations. D'accord? L'apparent et le caché. D'accord? L'apparent et le caché. L'apparent, c'est quoi? Al-Zahir. D'accord? On est toujours dans Shirkun Akbar. Dans la grande association. C'est par exemple, invoquer, tu lèves tes mains. Ya Wali ou Fulan, Ya Fulan, Ya, tu invoques. On a dit, ah, l'invocation, invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est de la grande association. On est d'accord. Mais apparent, Zahir. D'accord, si tu le fais, yani de façon apparente, c'est comme si tu invoquais Allah Azza wa Jal ou invoquais un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de façon apparente. Ou bien, ici, al-dhabhu li ghayri Allah Azza wa Jal, ça c'est un shirk, zahir. D'accord, ça c'est un shirk qui est apparent. Tu vas égorger, ah c'est apparent, un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça c'est une grande association, on est d'accord, mais apparente. Tu l'as fait de façon, ici, apparente. Ou bien tu vas égorger pour les djinns ou pour les morts. On est d'accord. Grande association. On a expliqué c'était quoi. Et ici, il y a deux types de grandes associations, l'apparente et la cachée. Tout ce que tu fais de façon apparente, d'accord, concernant la définition de la grande association, ça rentre dans la grande association apparente. Et la grande association cachée, c'est par exemple, avoir de l'espoir, placer sa confiance, ou craindre, pareil, les trois choses, hein, ou craindre, par exemple, un mort. D'accord, quelqu'un qui est mort, tu vas placer ta confiance en lui. Tu vas le craindre. Tu vas avoir de l'espoir en lui. Ça, c'est du shirk. C'est shirkun akbar wal'iyadu billah. Man waqa'a fi hadha shirk wal'iyadu billah qad kharaja min al-millah. Il est certes sorti de l'islam. D'accord? Par exemple, comme on a dit, yani, tu es sur un bateau safina. Et ici, tu es tout seul. Et tu penses à un mort. Ah, et tu places ta confiance en lui. Tu dis, wallah, je te place ta confiance en toi. Ou bien, j'ai espoir que هذا الميت والعياذ بالله celui qui est mort il va venir en mon secours de façon intérieure t'as espoir en lui clair tu es tombé dans la grande association mais la grande association qui est cachée on est d'accord donc ça c'est une grande association qui est cachée ce que tu fais d'apparent concernant la définition de la grande association c'est une grande association apparente d'accord ce qui est ظاهر et ce que tu fais concernant la définition d'accord ou qui est concerné par la définition de l'association la grande association tu l'as fait de façon intérieure d'accord ça rentre dans ce qui est khafi, caché, clair? Et Allah Azza wa Jalla parle de ici la grande association et il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Clair? Azzawajal, il parle de quoi? الشرك الأكبر والعياذ بالله. On est d'accord, suivez bien. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala à qui? لِنَبِيِّنَ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ ابْتِدَاءً. Il dit au prophète عليه السلام et à l'ensemble des prophètes. Il a été certes révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes. Si tu m'associes quoi que ce soit, si tu donnes des associés à Allah azzawajal, à tes œuvres. Donc on a compris ici, c'est quoi les œuvres? Ton œuvre ou toutes les œuvres? On est d'accord, suivez bien. Toutes les œuvres, tes œuvres vont devenir vaines. On est d'accord. Ça veut dire que toute personne qui fait une ou qui tombe dans une grande association, toutes ses œuvres deviennent vaines. Donc si les gens disent oui, mais pourquoi vous insistez sur tawhid, sur ash-shirk billah et azza, nous disons à quoi ça sert de faire la prière, de faire le jeûne, de donner des aumônes, de faire le bien, de faire ad-da'watu ilallah azzawajal, alors que tout ce que tu es en train de faire c'est parti dans le vent et c'est parti en fumée. D'accord, vous suivez bien? Là on n'a pas dit son œuvre. Toutes ces œuvres deviennent vaines wal a'yadu billah. D'accord, wa kama ja'a fi as-sahih man mata yushriku billahi azza wa jalla shay'an dakhala an-nar wa man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna kama ja'a fi sahih Muslim. Celui qui meurt alors qu'il a associé quoi que ce soit, qui que ce soit Allah Azza wa Jalla, dakhala an-nar. Walaw kana min alladhina yusalluna bil-layli wan-nahar. Même s'il est parmi ceux qui prient de jour comme de nuit, yani qui donne des aumônes, wallah, il est en enfer. Il est voué en enfer. S'il meurt alors qu'il est en état ou dans une situation où il a associé Allah Azza wa Jalla. C'était un associateur. Je dis pas il a associé dans sa vie. Man taba taba Allahu alayh. Naam. Allah Azza wa Jalla, il te pardonne si tu t'es repenti. Mais si tu meurs alors que tu as associé Allah Azza wa Jalla, attention, c'est une différence. C'est-à-dire que tu t'es pas repenti. Là, tu es voué en enfer. On est d'accord. Et ça, c'est toutes les œuvres qui deviennent vaines. Contrairement à quoi? À la petite association. D'accord. Là, on continue à parler de shirk. La zinna ma'a shirk. Qala subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Suivez bien. Walakin Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Allah n'associe pas qu'on lui associe. D'accord, qu'on lui donne des associés. D'accord, il n'accepte, il ne pardonne pas. Qu'on lui donne quelconque associé, qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Il pardonne à part cela à qui il veut. C'est quel type de shirk Allah Azza wa Jalla parle ici? ما هو المراد هنا بالشرك؟ شرك أصغر أم شرك أكبر؟ C'est les deux. عند الجمهور c'est la grande association. ولكن pour شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى c'est la grande et la petite. إذ جاء الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إلا جي الله إلا جي l'association. خلاص. ابن تيمية رحمه الله تعالى الجمهور يقول non c'est شرك أكبر c'est la grande association. Walakin ici, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit non, c'est la petite et la grande association. Allah Azza wa Jalla, il pardonne pas. Même si tu fais la petite association. Wala shakka anna, yani al-shirk. Yani al-asghar, la petite association, il n'y a pas de doute que ça fait partie de l'kaba'ir. D'accord? Walakin, ici, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Si tu tombes dans la petite association. C'est quoi? On va le voir, la petite association. Walakin, il faut savoir qu'Ibn Taymiyyah a dit même la petite association, tant que tu te rompens pas, elle n'est pas pardonnée. La petite association, il dit la preuve, c'est la parole générale. D'accord? Ici, la parole générale d'Allah Azza wa Jalla, quand il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part ça, il pardonne à qui il veut. Clair? Donc on a vu la grande association, wal'iyadu billah. On est d'accord. Concernant la petite association, qawlu rajih min ahli al-ilm, c'est que ça ne rend pas vaine toutes tes œuvres. Quand Allah il dit inna Allah la yaghfiru an, non, quand Allah azza wa jalla dit wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk, tes œuvres deviendront vaines. Ça c'est shirkun akbar, ça c'est une grande association, c'est pas la petite association. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une petite association, toutes ses œuvres, est-ce qu'ils deviennent vaines ou pas? Ils ne deviennent pas vaines. Na'am. Walakin l'action qu'il a fait, mathalan as-salah, il a fait rak'atayn, il a fait deux rak'a, et ici il les a fait avec, en tombant dans une petite association, on va expliquer. Est-ce que sa prière est annulée ou pas? Ça dépend. Ah, là, il y a des conditions, ou alors plutôt, on va dire, il y a un détail qui s'impose, une explication qui s'impose. Et ça, c'est un sujet qu'il faut bien comprendre. Et c'est un sujet qui est clair quand on se concentre. Donc, nous disons, de façon générale, la petite association, toutes tes œuvres ne deviennent pas vaines. On est d'accord. La grande association, la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin, kama qala rabbul alamin. tes œuvres deviendront vaines et tu seras certes parmi les perdants. Ici-bas et fil akhira et dans l'au-delà, wal-iyadu billah. Na'am. Donc nous disons la grande association, oui. La petite association, toutes tes œuvres ne deviennent pas vaines. Et ici, la petite association aussi, elle a quelque chose qui, elle a aussi, deux types de petites associations, ce qui est vahir et ce qui est khafi. Ce qui est apparent, c'est-à-dire, tu tombes dans la petite association de façon apparente, et tu peux tomber dans la petite association de façon cachée. Est-ce que vous suivez bien ou pas? C'est des choses de base, et je pense que la majeure partie de vous connaissent. Walakin, c'est un très bon rappel, inshallah ta'ala. Clair. Ici, ce qui est apparent. On a compris la grande association, tu adores quelqu'un, ou tu adores un tombe, ou tu adores une tombe, ou alors tu adores un mort, ou tu invoques un mort, ou tu égorges. الذبح لغير الله عز وجل والعياذ بالله ou tu fais tawaf حول القبور ou tu demandes à des djinns ou tu travailles avec les sorciers ou tu... ça c'est de la grande association والعياذ بالله, on est d'accord. Ici la petite association c'est quoi? Il y a une petite association apparente et cachée. À la كم العيشة 47. Ici il y a la petite association apparente et cachée. Apparent الظاهر, ce qui est apparent. Dans la petite association, shirkun asghar, là, on parle de la petite association qui ne rend pas tout si tu fais ou tu tombes wal iyadu billah, et si on tombe wal iyadu billah, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Dans cette petite association, toutes nos œuvres ne deviennent pas vaines. D'accord. Voilà qui ne suit bien. Ici, par exemple, si, ici, ce qui est apparent, quelqu'un qui va faire at-tawaf hawla al-ka'ba, mathalan. D'accord? Et il va chercher al-baraka, la bénédiction, sur la Ka'ba. Ah, sur la Kaaba. D'accord? Il va aller voir la Kaaba, il va dire, ah, je sais que c'est pas Allah qui va m'apporter le baraka, mais ça c'est un moyen, ou plutôt, c'est Allah qui va m'apporter le baraka, mais c'est un moyen par lequel Allah il va mettre le baraka dans, il prend un intermédiaire, mais en espérant qu'Allah il mette, c'est pas les gens, Allah il mette le baraka dedans. Ah, dans son quoi? Dans son tapis de prière. C'est jada. Vous avez vu ça, des gens, ceux qui ont été à l'hajj. Il va prendre sa sijada, le miskin, ma'arsh, jahil, peut-être, rubama. Il est peut-être ignorant. Il prend sa sijada, il va sur la Kaaba, il essuie pendant des heures. Il croit qu'il y aura le baraka. Qui t'a dit qu'il y aura le baraka dedans? D'où tu l'as sorti? Le baraka, elle vient d'où? Elle vient d'Allah Azza wa Jal? C'est Allah Azza wa Jal qui descend le baraka ou pas? Ad-dalilu ala dhalik, c'est quoi la preuve de cela? C'est quoi la preuve de cela, le baraka? Al-baraka min as-sama, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Si, c'est par la cause de quoi qu'on a le baraka? C'est quoi? Taqwa. Ah. Par la cause de la piété, la crainte pieuse, Allah Azza wa Jal, la fatahna alayhim baraka. Allah Azza wa Jal dit, s'ils avaient cru et craint Allah Azza wa Jal, on leur aurait ouvert ici les portes de la bénédiction. D'accord? La bénédiction venant du ciel, c'est Allah qui apporte la bénédiction. Donc on dit, al-baraka, c'est Allah qui l'apporte directement. Il t'a pas dit d'aller essuyer ton tapis de prière sur la Kaaba, et ça va t'apporter le baraka, Allah va t'apporter le baraka. Ça, c'est une petite association, wal-iyadu billah, et c'est une petite association apparente. Ça rentre dans ce qui est vahir, qui est apparent. Clair? Ici, par exemple, quelqu'un va dire, tawakkaltu alayk, ou tawakkaltu ala Allah wa alayk. Hada shirk, wal-iyadu billah. Je place ma confiance en toi et en Allah. Non, ça c'est interdit. D'accord? C'est toi qui m'as donné, ou plutôt, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné cet emploi, ce travail, et toi. Shirk. Kama bayyana dhalika alayhi salatu wa sallam, kama ja'a fi sahih. Le fait de dire, c'est toi et Allah, c'est Allah et toi. Non. On dit, kama qala alayhi sallam, dites, c'est Allah, thumma, ensuite, après Allah Azza wa Jal. Ya'ani bima'na, c'est toi qui a été la cause. Allah Azza wa Jal, il t'a sakhar. Il t'a mis ici à mon service, il t'a mis à disposition. Il t'a donné la possibilité d'être la cause de m'apporter ce travail. Mais c'est qui? C'est Allah. Ensuite, il y a une différence entre dire anta wa fulan wa anta thumma fulan. On a farq kabir wa wadih. C'est clair? De dire toi et un tel et toi et ensuite un tel. C'est-à-dire en seconde position, on est d'accord. Mais quand tu dis toi et toi, c'est la même position ou pas? Na'am. Et ça c'est de la petite association, wa l'ayyadu billah. D'accord? Walakin. Écoutez bien, la petite association peut se transformer en grande association. Innamal a'malu bi binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Mathalan. Al-asl, c'est ça. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quoi? C'est du shirk. Walakin shirkun asghar. Mathalan, une personne va dire, Allah m'a donné le travail et toi aussi. D'accord? Si toi tu as l'intention de dire, yani, tu le dis, mais tu reconnais que c'est Allah avant tout. Et tu ne dis pas, lui, c'est lui qui m'a donné le travail avec Allah, si lui n'était pas là, j'aurais pas eu ce travail. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui a été la cause, comme Allah a été la cause. Au même degré qu'Allah, بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا شِرْكٌ أَكْبَرُ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Là, tu es tombé dans la grande association. D'accord? Parce que là, tu as mis au même niveau. D'accord? As-sabab, avec qui? مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ, avec qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Le pourvoyeur, Al-Fattah, Al-Ghani, Al-Razzaq, celui qui met les effets dans les causes. Tu l'as mis au même niveau. Ça veut dire que sans lui, tu n'aurais pas eu. Ah, c'est grave. Walakin, si tu n'as pas cette intention-là, ici, ça reste de la petite association. Ça reste de la petite association. Clair? Ça, c'est des exemples d'associations qui font partie de la petite association, mais qui est apparente. Qala alayhi salatu wassalam. D'accord? Et on est toujours avec la petite association. Shirkun Asrar. D'accord? من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك كما جاء في الصحيح. Le prophète عليه السلام, il a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, il est tombé dans le kufr ou bien dans le shirk. قول الراجح من أهل العلم, c'est celui qui a rapporté le hadith, qui ne sait plus, نسي. هل قال عليه الصلاة والسلام, est-ce que le prophète a dit, il est tombé dans la mécréance ou bien dans le shirk? C'est pas un des deux, c'est un des deux. D'accord? C'est pas les deux. On est d'accord. Ala kulli hal, dans tous les cas, si on prend le cas de shirk, et le kufr, ça reste, ça se rejoint. D'accord? Parce que du shirk, c'est du kufr. Donc ici, faqad kafara aw ashrak. On est d'accord. Si moi je dis, waq had al masjid. Par exemple, mathalan. Ici, comme on entend beaucoup des gens qui jurent un peu sur tout et n'importe quoi, je donnais des exemples. Je jure sur cette maison. Waq had al khair. Comme on entend d'autres dérigeants quelquefois, des gens qui disent, ouais, je jure par ce bien, ou par ce pain, ou par ce verre, ou ihlef ala, je sais pas quoi, ou alors les jeunes, ça c'est shabab, prosoudan shabab, je jure sur la tête de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma tante, de loin, mais là, tout mis dedans. Et les gens qui jurent comme ça, ou alors les personnes plus âgées, en général, c'est quoi? Ahqad al-khair, ou ahqad al-bayt, ou ahqad al... Donc, ils jurent en général sur la maison, sur ces deux niveaux différents, on va dire. Lakin, ça se rejoint. Ça, c'est du shirk ou pas? Bi ijma'il ulama, c'est du shirk. هل خرج من الملة ابدا. Est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non. On est d'accord. كما قال عليه السلام من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر او اشرك. Le prophète عليه السلام, il a dit, celui qui jure, qu'il jure par Allah ou يصمت كما جاء في الصحيح, qu'il se taise. وفي روايه, et dans une version authentique, le prophète عليه السلام qui dit, ne jurez pas sur la Kaaba mais jurez sur قل ورب الكعبة. Et le prophète, il l'a mentionné, ورب الكعبة. Il a dit, ne dites pas, on dit pas par la Kaaba. هذا لا يجوز. Toi tu jures sur la Kaaba, hada la yajouz. Walakin si tu dis wa rabbil Kaaba fa hada jaiz. Si tu dis par le Seigneur, ah tu jures par Allah. Par le Seigneur de la Kaaba, hada jaiz bi ijma'. Et le prophète عليه السلام l'a mentionné, on est d'accord. Walakin si maintenant quelqu'un il va dire, moi je jure sur, par exemple, je sais pas, sur un arbre. D'accord, sur un arbre. Shajara. Ici il va jurer sur un arbre. Il est tombé dans la petite hada wal asl shirkun asghar. Walakin lui dans son intention, il dit, moi je jure par cet arbre en pensant que cet arbre peut m'apporter le même bien qu'Allah Azza wa Jalla peut m'apporter, et que c'est cet arbre qui apporte le bien et qui apporte le mal. Mais il dit pas, non, en jurant par cet arbre-là, simplement je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, ou alors je dis, je reconnais que c'est une habitude, ou non, lui il dit, non, cet arbre va m'apporter directement le bien ou le mal, je lui donne la même importance qu'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est devenu de la grande association, shirkun akbar wal iyadu billah. Ah, mais s'il fait juste comme ça par habitude, ou en disant je jure comme ça mais parce que moi je dis, en jurant par ça donne plus d'importance à mon serment, ou bien ce n'est pas en mettant au même niveau cet arbre qu'Allah Azza wa Jalla, en disant cet arbre m'apporte le bien, je place ma confiance en lui, il m'apporte le mal, etc. D'accord? Il y a une différence entre la première et la deuxième version. Naam? Ici, celui qui jure par le Coran al-Karim, fahada jaiz. Naam? Lianna al-ulama qalu, yani celui qui veut jurer, yani bi asma'illahi Azza wa Jalla, wa bi sifatillahi Azza wa Jalla, fahada jaiz. Wal Coran al-Karim, kalamullahi Azza wa Jalla. Ici, les savants, ils ont dit que jurer sur les noms d'Allah et sur les attributs d'Allah, c'est autorisé. Et le Coran al-Karim, c'est kalamullah. Ah, c'est la parole d'Allah. Et kalamullah min sifatillahi azza wa jal. Ça fait partie des attributs d'Allah azza wa jal. Wa hadha jaiz. La ishkal. Il n'y a pas de problème. Il a la shakka fi dhalika ma qala Sheikh Uthaymeen ibn Taymiyyah wa ghayruhuma min ahli al-ilm. Ça, c'est autorisé. Walakin al-awla, le meilleur et le préférable, ce qui est prioritaire, c'est de délaisser. Limadha. Parce que le fait que, si toi tu jures sur le Coran, il y a des gens qui vont pas comprendre ça. Ils ont pas d'ilm, ils vont pas dire ouais al-asma et as-sifat, ils comprennent pas ça. Donc ils vont croire que c'est un livre, tu jures sur un livre, n'importe quel livre. C'est pas parce que c'est la parole d'Allah. D'accord? Donc eux un jour ils vont, ça va les pousser à jurer sur un autre livre. Ou alors jurer sur une maison. C'est pour ça les ulama ils disent le mieux c'est de délaisser. Walakin si quelqu'un le fait avec ilm et qui lui est demandé de jurer sur le Coran, et si il dit, et ça nia, c'est quoi? Je jure sur le Coran parce que c'est kalamullah et c'est un attribut d'Allah. Il n'y a pas de doute sur cela, ça c'est autorisé comme a dit l'ulama. D'accord? Voilà qui nous disons, jurer sur autre qu'Allah ou autre que les attributs d'Allah, ça c'est interdit, ça fait partie du shirk al-zahir, apparent. D'accord? Ça fait partie du shirk al-zahir. Par exemple, les superstitions. كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الصحيح 70,000 يدخلون الجنة le prophète عليه الصلاة والسلام a dit 70,000 dans une version rentreront au paradis بلا عذاب ولا حساب sans châtiment et sans rendre de compte. Et le prophète عليه الصلاة والسلام quand il a en vu les compagnons qui se disent c'est qui, c'est peut-être des gens qui ont pas connu shirk, c'est peut-être des gens qui ont vécu à l'époque, il se posait la question. Le prophète عليه الصلاة والسلام l'a révélé, il a dit sur quoi vous parlez, ils ont dit هادو هؤلاء السعداء, c'est qui ceux-là 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. Qui sont ceux-là? Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit الذين لا يسترقون ولا يكتوون. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il a parlé, il les a décrits. Il a dit dans une version, là ici il a dit dans une version il est rapporté, ici c'est mes souvenirs sont bons, par muslim. Voilà que les ulama ils ont dit c'est parmi les versions qui sont faibles de chez muslim. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit ceux qui demandent pas ruqya. Ah c'est pas ceux qui font ruqya. Non, la version authentique c'est ceux qui demandent pas ruqya. Naam. Qui demande pas ruqya. Et al-kay, c'est le fait de ceux qui n'utilisent pas, comment on appelle ça en français, cautérisation. D'accord? Comme à l'époque, ils prenaient, une sorte de fer, d'accord, chauffé pour stopper les hémorragies de sang ou les blessures, etc. D'accord? Et ceux qui ne tombent pas dans ce qu'on appelle, dans quoi? La superstition, wal-iyadu billah. D'accord? Comme le font les devins, comme poussent les devins, les choses comme ça. Ah, j'ai vu un chat noir, ça va me porter malheur aujourd'hui. Je suis passé sous une échelle pendant 70 ans, je vais vivre malheur. J'ai cassé un miroir. Wal'iyadu billah. D'accord? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et auprès de leur Seigneur, ils placent leur confiance. On est d'accord? Donc ici, ça nous rappelle la tawakkul ala Allah azza wa jal. Et ça, c'est une petite association. Walakin, ça peut devenir une grande association. Ça dépend, comme je vous ai donné l'exemple, pour jurer sur autre qu'Allah azza wa jal. D'accord? Si une personne dit, ouais, je pense que ça va être une source de malheur qu'Allah azza wa jal a fait, qu'il m'arrive peut-être un mal parce que j'ai croisé un chat noir, mais c'est une chose. La base, c'est quoi? C'est une petite association. Mais si tu te dis, ça y est, j'ai vu le chat noir va m'apporter un mal et il va me porter préjudice et tu le mets au même degré qu'Allah azza wa jal, tu es rentré dans la grande association. Donc ici, je m'arrête là. Et la semaine prochaine, bihawlillah azza wa jal, on continuera avec des exemples de la petite association walakin qui est zahir, qui est apparente, et on terminera avec les exemples de la petite association qui concerne ce qui est khafi, d'accord? Et ensuite, nawasilu inshallah ta'ala bit tafsil ma'a ash-shirk wa khususan ma'a ar-riya kama wasafa hadha ash-shirk alayhi salatu wassalam, comme le prophète a décrit ce shirk, c'est-à-dire la petite association ar-riya, et on va voir ça dans les détails bihawlillah azza wa jal. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين